Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir DJ Melon. Salut Grigoula. On reçoit ce soir dans cette émission un peu spéciale l'orienté de The Rolf et avec prononcé à la bretonne, vous remarquerez, à ma gauche Ben. Bonsoir Ben. Bonsoir. Et à ma droite Matt. Bonsoir Matt. Bonsoir. Voilà, on va discuter de la sortie de ce premier album qu'on a déjà défendu dans l'émission parce qu'on l'aime beaucoup et on va en reparler longuement lors de cette petite interview. On commence tout de suite par du rock'n'roll avec l'album fortement appuyé par les chroniqueurs du moment, c'est l'album de Metz et fortement mis de côté par les anciens chroniqueurs du moment. On parle de l'album de Metz, DJ Melon. Non mais j'ai envie de dire tout le monde est d'accord, gros son, presque tout le monde est d'accord, rien de nouveau. Mais c'est vrai qu'on a envie de défendre ce disque là, donc on va s'en faire une tranche. On va s'écouter Headache pour commencer. Metz, dans le secret du son là-bas. On avait jusqu'à maintenant pas passé des morceaux de Metz lors de pourtant trois singles assez cinglants que j'avais beaucoup aimé ces trois dernières années passées. Il aura fallu la signature sur Sub Pop pour que tout d'un coup les gens s'intéressent à ce groupe d'Ottawa formé d'anciens membres de Three Penny Opera et de The Grey. Et c'est lors de la tournée européenne de The Grey il y a maintenant quatre bonnes années hein, qui était passé par Poitiers, vous avez vu, où j'avais déjà croisé le guitariste et le batteur de Metz. C'était bien avant qu'ils mettent une petite dose de garage et de un peu de noise dans leur musique et qu'ils débouchent sur Sub Pop. On est assez proche de dernière formule de Metz, en tout cas en concert. Metz a un peu perdu le côté un peu Jesus Lizardien sur cet album, mais en gagné en catchy et en garage feeling qui plaît tant. Voilà, il paraît que ça vaut vraiment le coup d'être vu en concert et ça tombe bien, début 2013, ils sont en tournée, notamment en France. Ouais, il faudra pas les rater. Il y a une date, je crois, du côté de la route du rock, session hiver, c'est ça ? Super, j'avais vu celle au Confort Moderne à Poitiers, mais voilà. Je crois pas me tromper, puis une date à Poitiers. Bon. Entre autres. Donc il faudra pas les rater, a priori les concerts mettent vraiment tout le monde d'accord, même les plus grincheux. Et les grincheux, on les connaît. On poursuit avec Rex and Reference. Voilà, ça c'est une découverte des amis rennais de Cafioul Kérosène et du fanzine Webzine Perte et Fracas qui nous ont mis sur la trace de ce duo californien de Sacramento qui pratique une noise relativement bruitiste avec une palette sonore musicale ou anti-musicale assez large. Et notamment au niveau des modulations vocales, ça passe des plans susurrés aux plans hurlés assez volontiers. Voilà, beaucoup de choses assez dissonantes, des tensions électriques et des percussions mécaniques. Alors c'est vrai que le métallique, pardon, c'est vrai que le son de l'album No Use, c'est-à-dire Use barré d'un trait, No Use. Le son est pas encore extraordinaire, c'est pas ça, je dirais, on est encore loin de la puissance d'un Fetus ou de Neubauten ou d'autres, mais c'est très très prometteur au niveau des compos, c'est assez haletant, c'est très varié, c'est assez personnel. Prenez pas les deux références là que je vous ai données comme argent comptant. Ouais, en parce fait, que là, tu mets la barre haute, hein, quand même. Ouais, voilà, non, mais finalement, il y a pas tant que ça de références et d'influences prédominantes. C'est assez, ouais, ils tracent leur chemin de façon assez personnelle. Donc, on va s'écouter un extrait, le morceau qui s'appelle Noisea. C'est sorti sur Flenser Records courant 2012. C'est Break and Reference, No Use, dans le secret du son d'abord. On y est à l'instant. Un premier extrait du EP sorti en courant 2012 par Direwolf. Je vais y arriver. Pas évident à dire. Reach This End, sorti donc le titre de la chanson tiré du EP Me From Myself to Banish, sorti en 2012 sur Thruiner Records. Ah, voilà, que des noms difficiles à dire. Bonsoir Ben, rebonsoir, rebonsoir Matt. Rebonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans le secret du son d'Abba avec une interview. Ça fait très longtemps, monsieur Melon, qu'on n'avait pas interviewé. Qu'on n'était pas dans cette position-là. Exactement. Les deux dernières interviews, je suis en train de dire hors antenne, c'était nous, quoi. Voilà. Bah, j'avais une première question, en fait, tout simplement. C'est pourquoi Direwolf? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah bah oui, ça calme. C'est la première question. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce nom, mais Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Ça, non, mais j'avais envie de vous tacler dès le début, histoire de faire connaissance, quoi. C'est très simple. Pourtant, été élevés par une meute de loups, donc voilà. Tout de suite, on s'est dit que ça sonnerait pas mal. Ouais. Non, faut dire qu'on a un peu galéré pour trouver le nom du groupe. C'est une question de vache, parce que c'est toujours difficile de trouver un nom de groupe, quoi. On avait quand même une bonne dizaine de compos avant de trouver le nom de groupe, et bon, à un moment donné, il fallait s'y coller. Et à cette époque-là, on regardait la fameuse série Game of Thrones, et on s'est un peu inspiré du mythe des loups. Ce sont des loups préhistoriques. D'accord. Aussi grand que des ours, donc tout de suite ça imposait, on s'est dit que ça va imposer. Après, qu'on fera peur aux gens, donc ça collait bien avec notre style de musique. D'accord. Donc la formation, elle remonte à quand là? Alors la formation remonte à, donc c'était l'été 2011. Ouais, donc l'été dernier, on a commencé tous les deux. Ouais. Puis on a été rejoint donc par Yann à la batterie, qui était le batteur de son ancien groupe. Voilà. Puis par Jean à la guitare. On a pas mal composé pendant un bon moment à quatre, jusqu'à ce qu'on trouve un chanteur, donc en la personne de Pierre, qui vient de Brest. Parce qu'on a dû aller chercher donc un chanteur jusqu'à Brest, voilà, qui chantait dans Speedball. D'accord. Et du coup, ça s'est venu. Speedball, c'était du gros hardcore. C'était plus hardcore, mélo. Bien mélo. Donc, on avait déjà fait jouer au Galion, donc d'où là on s'était rencontrés, et c'est là qu'il nous a eu l'idée de lui proposer. Dans un registre quand même un peu différent. Complètement. Ouais. Et du coup, avant, tu parlais qu'il y avait t'avais un autre groupe, toi, Matt. Ouais, moi c'était City Discover, donc un peu dans la même veine Speedball, enfin dans l'univers un peu punk, on va dire hardcore, parce que bon, il y avait de la voix. Plus mélodique. La voix disto, entre guillemets, et plus mélodique au niveau des guitares. C'était beaucoup plus dans l'esprit punk rock, mais bon, avec la voix hardcore, un peu hardcore old school des années 80, enfin c'était. Pas mal de. Un melting pot. Un melting pot, voilà. Mais pareil, rien à voir avec ce qu'on fait, enfin ce qu'on pose maintenant avec Direwolf. D'accord. Vous êtes assez à l'aise avec les étiquettes, ça va? Parce que je sens que ça va manier les étiquettes. Là, on va en foutre plein la pièce, quoi. Quand tu vas sur quand on va sur votre Bandcamp, on lit Crust, Crimo, etc. Ça vous colle? C'est vous qui avez. En fait, c'est ce qu'on retrouve généralement sur les flyers des concerts où on joue. On est habitué aux étiquettes, c'est vrai. D'accord. Qu'on n'a jamais les mêmes genres musicaux qui sont associés à notre groupe, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve du punk, du metal, du hardcore, du screamo, du crust. C'est un peu un mélange de tout ça, donc c'est vrai que ça ferait long à mettre sur en descriptif, mais donc quand c'est bien mélangé. Comment on appelle ça? C'est des tags en général. Ouais, voilà. En fait, sur Bandcamp, l'idée c'est d'en mettre le plus possible, comme ça on a le plus de visiteurs aussi. C'est ça. Donc on a mis jazz. C'est une technique de com, ouais. D'accord. On revient un peu aux fondations du groupe. L'idée c'était de. Vous êtes tous du bassin de Lorient, mis à part du chanteur en fait. Exactement, ouais. D'accord. On a tous plus ou moins. Enfin, on se connaît plus depuis le lycée, donc on a. D'accord, vous avez grandi ensemble, grosso modo, écouté les disques. Et fait découvrir les uns les autres, quoi. D'accord. Voilà, c'était un groupe de copains à l'origine, c'est vrai qu'on a l'habitude de rester entre copains, généralement. Ouais, et puis. C'est pas qu'on n'aime pas les autres gens, mais c'est pas plus sur affinité, parce que c'est comme avant tout un loisir, donc on préfère jouer avec des gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Vous n'en vivez donc pas? Si. Sinon, on était à Las Vegas hier soir, donc, pas du tout, non. Donc. C'est pour ça aussi que on. C'est pas le but de toute manière. Voilà, exactement. Bon. C'est que. Enfin, on évolue dans une scène qui ne le permet pas déjà. Et c'est peut-être justement ce qui fait qu'il y a peut-être plus de sincérité dans cette scène que dans une autre. C'est vraiment que ce qu'on joue, c'est ce qu'on aime. C'est pas ce qu'on voudrait que les gens aiment. Enfin, voilà. C'est très beau. C'est très beau ça, hein, ce qu'il vient de dire. Ah ouais. On poursuit. Moi, je voulais revenir aussi sur le... sur comment ça s'est mis en place musicalement. Vous disiez que vous veniez plutôt du punk hardcore. Comment vous avez un peu densifié le son? C'est-à-dire, moi j'avais écouté la démo hein, il y a quelques mois, je sais plus quand est-ce que vous l'aviez enregistré. C'était au tout début, on l'a sorti. Bah, en fait, on avait commencé l'été 2011 et on a enregistré un petit peu avant parce qu'on avait un concert prévu. Donc on s'était fixé une limite. On avait notre première date qui était le 15 octobre. En fait, on s'est dit qu'il serait bien d'avoir du son avant le concert. Mmh. On avait un peu une date butoir avec un concert que Benou ici même a organisé. Quoi. C'était un peu le concert d'Halloween. Donc on voulait dire bon, bah allez, on va se faire une petite date le jour d'Halloween. Et on s'est dit bon, faut qu'on monte un set. Donc on s'est dit bon, le minimum c'est quoi? C'est 30 minutes. On s'est dit on va faire monter un set. Voilà, c'était donc, fait un peu l'objectif à la va-vite, mais on a quand même gardé 2-3 chansons de ce set qu'on a pu... C'est d'où peut-être aussi l'évolution après entre la démo et l'EP, du fait que les 7 premiers titres environ qu'on avait composés pour nos premiers concerts sont faits un peu rapidement, et après on s'est peut-être plus évolué, du coup on a pris plus de temps pour composer l'EP. Voilà, on a pris le temps. Quelles étaient pour vous en fait les influences marquantes? Alors c'est difficile, vous êtes 5, mais en tout cas quelque chose que, grosso modo, vous êtes un peu globalement d'accord pour dire, là c'est quelque chose qui, en tout cas dans notre son, quelque chose qui nous a marqué, ou dans l'approche, dans la construction des morceaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait écho? Déjà au niveau du style, c'est vrai qu'on sait plus, déjà on savait qu'on voulait s'orienter plus vers un son, comme on dit, moderne hardcore, c'est-à-dire, du hardcore mais mélangé avec un son plus métal, des influences un peu métal donc également. Et après ça est venu se greffer en fait tout ce qu'on écoute à côté, donc tout ce qui est plus crust à la tragédie, From Ashes Rise ou Screamo ou encore un peu plus punk. C'est vrai que c'est très varié. Donc, on a essayé de mélanger tout ça et pour que ça donne l'EP, voilà, exactement. L'EP. On va... passe un morceau de Converge, c'est un premier morceau que vous avez choisi. Qu'est-ce que représente pour vous Converge? On parle justement des influences. Pourquoi ce choix? Converge, c'est vrai que pour beaucoup, c'est, ça représente. Moi, je sais que Converge, j'ai découvert ça. C'était, c'est vrai, quand j'étais ado, c'était le fameux album Jendo, quoi, qui tournait à fond. Partout. Chez nous aussi. J'allais dire dans ma voiture, mais non, j'avais pas le permis, donc c'était dans ma super chenifi que j'ai dû avoir pour ma communion, qui ne fonctionne plus. Et c'est vrai que le Jendo nous a beaucoup marqué, enfin moi perso. Et c'est vrai que là, quand on voit l'évolution de Converge, c'était quelque chose de ces noise, quelque chose de ces brutal, violent. Et quand on voit l'évolution, c'est vrai qu'au final, on se rend compte que Converge, c'est pas que ça devient de plus en plus accessible, mais... Ça se développe de plus en plus et c'est vrai qu'au niveau du son, ça grossit aussi. Et moi j'ai toujours adoré ça sur Converge. Quoi. Et du coup, c'est vrai que sur le dernier album que j'écoute en boucle en ce moment, cette chanson-là m'a bien marqué. Parce que là, on part vraiment d'entrée de jeu sur un riff qui bastonne d'enfer. Quoi. Avec un chant aussi qui est différent. Ouais, voilà. Et... C'est vrai qu'ils ont, je sais pas combien ils sont d'albums, ils ont déjà quand même sorti plusieurs et il y a quand même. Si on retrouve le son Converge, la musique Converge, il y a un espèce de renouvellement qui est intéressant. Et donc on a choisi ce morceau parce que c'était aussi dans l'actualité, ils viennent de sortir l'album, donc on s'est dit... Et puis il y a des putains de chansons dessus. Voilà. Ouais, on s'est dit qu'on allait soutenir les potes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de promotions. Ouais, ils sont en difficulté. Et qui galèrent. Voilà, ouais, donc on aura fini un petit peu couche. On s'écoute donc Aimless Arrow Converge dans le secret du son là-bas. Attention les oreilles. Yeah! Donc voilà, c'était Killing the Dream avec le morceau Elk and White. Donc on nous a demandé de passer des morceaux qui représentent assez bien nos influences, donc c'était un choix qui s'imposait du coup. On a parlé tout à l'heure de Modern Hardcore, donc c'est des bons représentants de cette mouvance. Ah, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Moi j'ai fait ma blusa et j'avais jamais entendu parler de Killing the Dream, donc... Donc c'est un groupe américain, je peux pas vous dire d'où, mais qui sont donc signés sur Deathwish, le label du chanteur de Converge, donc on trouve à peu près... Et c'est important de signaler que cette chanson qui était diffusée n'a... Et sur l'album, quel album déjà? C'est Le Kimi, qui est justement, on n'a pas trop beaucoup parlé de cet album. En fait, c'est qu'ils ont sorti l'album et ils ont splitté quelques mois après, donc il n'y a pas eu beaucoup de promotion. C'est dommage parce que... Moi, je le trouve vraiment excellent. Voilà. C'est pas mon préféré, mais c'est vrai qu'il est, il est très intéressant aussi. Et donc, c'est vraiment un mélange de tout ce qui est plus punk hardcore, des rythmiques punk, avec des rythmiques plus lentes, qui incorporent un peu de donc, tout ce qui est screamo également. Donc... Voilà, c'est un des groupes qui nous a fortement inspiré. On parlait là de Converge, de Deathwish, et puis le travail qui est fait par Jacob Bannon depuis maintenant plusieurs années de mettre en avant d'autres groupes de la scène hardcore auxquels il est, on le sait, très attaché. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'évident vous parliez hors micro tout à l'heure de participer à la production d'un disque, d'être pas dans une forme d'autoproduction, mais dans un esprit peut-être de DIY qui est assez qui traverse la scène hardcore depuis maintenant le début des années 80, en tout cas aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous tout ça? Déjà comme on peut revenir à tout à l'heure ce qu'on disait par rapport au fait qu'on ne vit pas du tout de notre musique, donc c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit exactement tout à l'heure, on peut compter en fait sur une forme de, je dirais, de solidarité. C'est une scène assez soudée, du coup il y a beaucoup d'entraide qu'on voit entre justement entre l'organisation de concerts, parce qu'on sait que c'est, pour en avoir fait, on pourra toujours encore en faire, on sait que c'est pas vraiment pareil, c'est quelque chose vraiment où il faut s'impliquer, quelque chose qui sera pas reconnu à part dans cette scène justement. Pareil au niveau de tout ce qui est fanzine, label, on sait que tout le monde, il met du sien, il met du de son temps, sans justement sans rémunération, et c'est peut-être ça qui fait la force donc de ce mouvement, c'est qu'en gros on peut compter sur une certaine solidarité, c'est-à-dire que par exemple nous on fait jouer des jeux groupes à Lorient, on sait qu'en retour on pourra avoir une certaine aide dans d'autres villes de France ou d'Europe ou d'ailleurs même, et donc ce qui est vraiment caractéristique du mouvement hardcore. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des labels, on parlait de Deathwish, est-ce qu'il y a d'autres labels qui pour vous comptent actuellement, autant dans l'aspect musical ou dans les idées qui sont défendues hein? On peut déjà parler de notre label, Stradrunner, voilà. Donc qui a migré de Saint-Brieuc à Rennes, donc Mathias qui le tient tout seul. Donc, qui est originaire du Morbihan si je me souviens bien. Non, Saint-Brieuc il me semble. Saint-Brieuc, d'accord. Donc pareil, c'était vraiment un label qui nous intéressait par ses sorties. On a vraiment eu beaucoup de chance qu'il ville bien nous aider pour la sortie de notre EP. C'est vrai que c'est pour moi un label français. Il y a donc celui-ci qui pour moi est vraiment et aussi intéressant. Il y a D'Entre The Hype au niveau de Lille qui est plus punk hardcore, moins sombre par rapport à Stradrunner, mais c'est plein de petits labels comme ça qui bougent vraiment le cul pour aider d'autres groupes, que ce soit français ou européens, comme je l'ai déjà dit aussi, et pour pouvoir nous aider à sortir notre musique et à s'exporter. C'est vrai que sans l'aide de ce label-là, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes retours, les mêmes chroniques, la même promo que ce qu'on a eu grâce à lui. Voilà. Vous avez vraiment des très bons retours sur le EP, il suffit de lire les chroniques. Alors je parle pas le polonais donc c'est plus difficile pour moi de le lire, mais en tout cas dès que c'est en anglais, en tout cas il y a des très bons retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes peut-être un peu surpris en tout cas pour un premier disque d'avoir des retours Pour ma part, ouais. Je suis assez surpris, ouais. Moi je m'attendais pas, enfin surtout que ça fait, on est rentré en studio en janvier donc cette année. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de taf, étant donné qu'on a, faut parler aussi de Amaury, quoi. C'est un mec qui a fait un super boulot, quoi. Qui est la personne qui nous a enregistré. Ouais, Amaury Sauvé, et donc qui est à Laval. Quand on est arrivé là-bas, à la base, en fait, on devait enregistrer que la batterie. On a décidé de faire le reste avec lui, donc de faire le réamping, donc tout ce qui est sortie guitare sur les amplis, et ainsi que le mixage et tout le reste. Bah, Et c'est vrai que on s'est rendu compte qu'avec Amaury, bah, tout de suite l'album, parce qu'en fait notre EP on l'avait enregistré un peu nous-mêmes avec une version démo sur Pro Tools. Et quand on a eu l'aperçu chez Amaury, bah, c'était déjà autre chose. Et bon. Bah, c'est vrai que c'était déjà le son, c'est un bon tremplin également, mais. Enfin, ce que je pense que tu essaies de dire aussi, c'est qu'entre le moment où on est rentré en studio, qui était en janvier, où on a commencé à faire la batterie, on est retourné, en fait, donc ça se passait sur Laval, on est retourné sur Laval faire le ramping, le chant et la guitare, on l'a enregistré dans la cave donc, de Mathieu, qui est à ma gauche. C'était pas pour une street credibility black metal, mais c'était vraiment pour des soucis financiers également. Non, ouais. Mais dans le black metal, ils ont enregistré ça dans des lofts, dans des grands salons. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont plein d'argent dans le black metal. Ils sont pas vrai, dans la cave de maman, faut pas croire. C'est variable. Mais donc voilà, c'est entre le moment où il y a tout l'enregistrement, la période de mix, le mastering qui a été aussi un bon travail donc, de Sylvain Biguet. Et donc, entre toutes les versions qu'on a dû écouter, etc., on s'est rapidement lassé de l'EP. Parce voilà, que, c'est ça, force de l'écouter, des versions, 10 versions par jour différentes. Ou d'un moment, on ne savait même plus si on le fallait sortir. Quand même, si on était assez. Ouais, on est plus l'oreille, on se rendait plus compte de ce que donc ça représentait. Quoi. Des retours positifs, c'est vrai que ça nous rassure et ça nous réconforte dans l'idée qu'on n'a pas fait ça pour rien, parce que c'était quand même beaucoup de galères, de temps, d'argent. Et donc voilà, c'était beaucoup de congés pour y travailler. Et donc voilà, non, très content de sortir un vinyle pour ma. Enfin, je pense pour tous dans le groupe, c'est notre premier. Et donc c'est vraiment quelque chose dont. On est content quoi, d'avoir pouvoir tenir l'objet dans les mains après avoir galéré pas mal. Enfin, entre janvier qui est sorti la sortie en octobre, on était content de les avoir dans les mains. Voilà. Le vinyle, ça s'imposait. C'est la scène hardcore, voilà. Oui, égal vinyle. Je crois que même la crise du disque touche tous les genres musicaux, mais plus globalement, c'est vrai qu'on retrouve plus de vinyle dans cette scène. Et du coup, ça s'imposait aussi par Mathias qui de Srodrunner, donc qui. On sort actuellement plus que des vinyles et plus de CD. Donc, puis on voulait vraiment aussi sortir un vinyle, c'était une fierté. Là, c'est la street credibility. Voilà, exactement. Ouais. On s'écoute Burning Bright. Ouais. Et après, on en reparle. Parce que on va passer du côté activiste. Enfin, ils le sont déjà, mais on va y revenir. Et l'organisation de concert. Burning Bright, Doomsday. Les Normands dans le secret du son d'abat. We'll be right back. Alors Benjamin, on vient de s'écouter coup sur coup, donc Burning Bright avec le morceau Doomsday et puis A Thousand Words avec le morceau Sinners. Ce qui nous donne l'occasion d'évoquer avec vous cette fois-ci Dire Walls en format organisateur de concert. On en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, on va pas se mentir, on enregistre en milieu de semaine et puis en fin de semaine, là vous avez une date en tant qu'organisateur au Galion. Mmh, bah, ce sera l'occasion pour les gens de revivre le concert s'ils y étaient, ou alors de se dire exactement, j'aurais dû y aller. Et c'est deux groupes, donc Burning Bright et Thousand Words. Exactement. Donc, ils jouent. Tu peux nous en dire quelques mots déjà des deux groupes, et puis ensuite on va parler un peu de l'orga. Je vais commencer par le groupe que je connais le mieux, donc c'est Burning Bright. Donc c'est des petits gars du camp, donc avec des anciens du gaz quand même. Ouais, des vieux gars. Il y a le batteur donc d'Ocytomore et aussi de donc qui était le batteur d'Amanda Woodward, donc on s'écoutera un Ocytomore juste après. Voilà, donc ça dit, on dit déjà. Il est toujours dans Ocytomore. Oui. Donc ça dit déjà, ça en dit déjà sur le niveau. Et donc ça c'est un extrait de leur prochain album donc à sortir très bientôt. Ils avaient déjà sorti un premier split avec Death Mercedes de Paris. Très bon. Et qui était beaucoup, un peu plus crust quand même, moi je trouve, plus à la tragédie. Là on ressent un peu plus des influences à tout ce qui est un peu plus rock, à la Doom Riders. Moi je trouve que le nouveau titre là, de Burning Bright rappelle vachement les Disfear Victims, déjà plus. Son plus suédois. Ouais. Donc très, enfin excellent. On avait eu l'occasion de jouer avec eux au Mans et on avait pris une bonne claque fessée. Ouais, donc on s'est dit que c'était l'occasion de les refaire venir à Lorient. Très bonne idée. Le deuxième groupe, c'est A Thousand Words, donc qui nous viennent du Portugal. C'est avec des membres de Broken Distance et Devil Enemy, qui sont un peu plus connus. Et en fait, là, c'est parce que on joue avec eux à Brest la semaine suivante, et bah, ils étaient en galère pour une date sur la route, donc on s'est dit, autant les faire jouer. Donc voilà, tout ça se passe au Galion, c'est passé au Galion, du coup. Et voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'organiser? Donc vous avez une petite asso qui s'appelle No Breaks. Vous savez combien de concerts vous organisez là sur le coin? Une quinzaine, je dirais. Ah ouais, quand même. Environ, et dont un festival donc, qui s'était déroulé en juin, le Board Fest. Mmh. On avait largement annoncé, nous, dans l'émission. À l'époque, ouais. C'est au-delà, on a parlé du côté on se rend service mutuellement, on serre les coudes. Vous ne le faites, j'imagine, pas uniquement dans cet esprit. Passe-moi le sel, etc. Rends-moi la monnaie de ma pièce, mais aussi peut-être par passion, j'espère les gars. Oui, évidemment, déjà, dans un premier temps aussi, on fait jouer les groupes qui nous tiennent à cœur, les groupes qu'on aime bien. Puis, sans forcément se rendre la modèle de la pièce, mais comme on le disait, on sait une petite scène, tout le monde se connaît plus ou moins dans les régions, et... ce sera un peu facile justement de profiter de cette scène de notre côté, enregistrer notre EP et après d'aller chercher des dates sans essayer de faire bouger les choses nous aussi de notre côté, donc à Lorient. Et c'est pour ça qu'on on organisait déjà même avant d'avoir le groupe, d'où le côté passion. C'est vraiment quelque chose qui nous motive, parce que se faire vivre une scène à Lorient c'est important. Puis il n'y a pas que nous, il y a aussi les No Way to Escape qui organisent également des concerts punk, hardcore, et qui eux, ils organisent un concert le vendredi 7 décembre, ça je pense que l'émission sera passée, donc voilà, oui. Avec les Wong for Peace d'Angers qui font du punk rock mellow, et The Flanders. The Combinis et les Sparkro, donc de Lorient également, voilà. Donc très bon pote à nous, des copains à nous, voilà, qui nous avaient accompagnés pour notre release party. Alors, on reste sur les concerts. J'avais envie de vous demander si vous en avez à venir. Je crois savoir que oui. Oui, prochain à Brest avec donc Thousand Worlds. Comme on l'a dit. Ouais, et un groupe de Brest. Je suis vraiment désolé, je me rappelle pas le nom. Et c'est sur deux jours. Plus tard en 2013. Le lendemain de Brest, on va à Limoges. Ouais. Avec un. Ça fait quelques bornes, mais c'est bien ça. Ouais, mais ça nous fait pas peur. On devait aller à Lyon là, il y a deux semaines, mais finalement ça s'est pas fait. Mais même un aller-retour, Lorient-Lyon. Si on peut jouer, ça nous fait plaisir. 2013, alors on a un festival, organisé par. Je sais plus, All That Glitters, Vincent de cet asso. Ça sent la scène rennaise, ça. C'est ça, et donc ça se passe normalement au Jardin Moderne, ça mélangera plus donc hardcore. Normalement il y a Birds in Row donc et nous, et plus du son plus électro, minimal. Enfin, mais pareil, un mélange des genres pour une très bonne soirée, je pense. Mm-hmm. Globalement, on a. Il n'y a pas une date au mois de janvier vers Vannes. Vers fin janvier, Vannes, si, oui. du côté du 25. Ouais, c'est un peu ça. Entre le 23, entre le 24 et le 26, il n'y a rien. Quelque chose avec la lune et. Le culte de la lune. Le culte de la lune, quelque chose comme ça. Ça se confirme, en tout cas. Ça pourrait se faire. Et sinon, on devrait aussi jouer un festival normalement à Quimper. Qui se déroule à l'hiver, on n'en aura pas plus, mais c'est déjà pas mal d'indices. voilà, puis on essaye aussi. C'est pas le festival de Cornouailles, ça, c'est en juillet. C'est le Fest Noz du 29, non C'est vrai qu'ils avaient fait l'an dernier Quête Mode et qui les a. Qui les a, voilà. Je sais pas si beaucoup de monde y avait été, vous. Ah non, on devait jouer quelque part, c'est l'excuse habituelle. et aussi. Bah, on va essayer de. Enfin, normalement, on a comme projet de partir en tournée en février, donc plus vers l'est, le nord, donc tout ce qui est Belgique, Allemagne. Et en mars, peut-être faire une dizaine de jours en Angleterre. Donc, c'est bien tout ça. Et donc, vous avez des nouveaux morceaux ou... Non, pour l'instant, on est toujours sur notre set habituel, hein, donc avec forcément tous les morceaux de l'EP, plus des anciens, qui sont plus, on va dire. Plus hardcore, disons pour jouer, c'est plus sympa d'apporter des petits morceaux pour danser un peu. Et voilà, donc on fait un. Pour faire bouger les mini-jupes, on voit bien. Ouais. Exactement. Ouais. Non, mais voilà, bah on travaille dessus. Ouais, on travaille. D'accord. Rapidement, on revient sur l'album. Quels sont les. Enfin, au niveau du visuel, c'est assez marqué. Quelles étaient les intentions? Et est-ce qu'il y a un concept derrière? Bah oui, exactement. Bah, Pierre, notre chanteur, était mieux placé pour en parler, mais c'est vrai qu'il habite à Brest, donc c'était pas facile de venir à Lorient aujourd'hui pour lui. Globalement, en fait, l'EP, c'est un concept album qui raconte la lutte d'un protagoniste contre ses propres démons qui ne sont pas identifiés en fait tout le long de l'album, donc chacun peut se faire sa propre histoire, que ce soit peut-être la drogue, la maladie ou la folie. Voilà, enfin. Exactement. Et ou sa belle-mère. Voilà, exactement. Donc, son patron. Donc, pour l'illustrer l'album, on a fait appel à Fortifem. C'est un couple de designers, graphistes plutôt, parisiens. Donc, on avait plus l'occasion de voir leur travail sur la pochette de Cowards qui sont sortis chez Threadrunner également. Donc, on aimait bien le style. Donc, on s'est dit que autant les contacter, sachant qu'on est très très mauvais de notre côté. C'est vrai qu'après tout le côté DIY, c'est bien, mais si on est vraiment mauvais, on n'allait pas sortir. Une pochette avec une maison dessinée dessus au crayon gris. Donc on a fait appel à eux pour illustrer ce projet, et ce qu'on retrouve dans l'EP, c'est en fait la pochette qui illustre vraiment le concept au sens large, et on a décliné ça sous forme de cartes à l'intérieur du vinyle qui représente chacune des chansons, en fait qui illustre le texte de chacune des chansons. Et voilà, c'est donc on est vraiment très content du travail qu'ils ont pu faire, très sympa, et donc on les recommande vivement. C'est une réussite, on avait déjà mis la pochette sur le podcast d'une précédente émission du Secret du Son d'Abba pour annoncer la sortie de l'album. On s'écoute un deuxième extrait de votre disque, on va s'écouter Growling Defeat. Exactement, donc extrait de votre 5 titres paru sur Threadrunner, Dario Wolves dans le Secret du Son d'Abba. Global decay. 15 ans d'existence, 5e album, les gars de Minneapolis de Self Evident reviennent avec un nouvel album qui s'appelle We Build Fortress on Short Notice, sorti sur Double and Good Records, voilà, cette année. Retour à une sorte d'indie rock, Matt. math rock et je sais pas quoi on va dire, sous forte influence d'Angidon. Rappelez-vous de ce groupe assez génial sur Love It Records. On pensera aussi aux Washingtoniens de Firecrest puis de Medication. Voilà, on est vraiment, on baigne dans les années 90 et la fin de ce que certains ont appelé les mocores. Et là, sous ses plus beaux habits, Self-Evident remet tout ça bien en lumière. Vraiment un très bel album, salué par la critique, tenu de bout en bout par un trio. Pas piquer des verres. Voilà, vraiment chaudement recommandé pour ceux qui aiment encore le style. On continue avec le nouvel album d'Austrasian Goat qui est sorti en cette fin d'année 2012. Il s'appelle Pave Intention. C'est sorti sur Vendetta, le label allemand. On va écouter le morceau Heavy Side. Que dire, que j'aime bien la formule de l'ami Florent Chal, là, de son blog, il a intitulé son article par le book est mort ce soir. C'est-à-dire que en effet, c'est sur quel blog ça? C'est Records and Better Than People. Ah, et oui, donc le book est mort ce soir et je trouve que c'est assez juste pour dire que Julien a un peu lâché le de son black metal très particulier et très singulier. Il a viré un peu le metal et a gardé toute la force des compos mais dans une version un peu acoustique. Ça n'empêche que ça reste très brumeux, très sombre, très hanté. On va écouter un extrait de cet album, double album, voilà, où des fois on n'est pas forcément loin de Death in June ou des choses très très sobres, mais voilà, il y a les ambiances, elles sont bien, elles sont bien black, mais évidemment les accords ne sont plus les mêmes. Alors j'avoue que j'ai mis un peu de temps pour rentrer dedans, pour essayer de passer un peu le cap, hein, non pas qu'il ait changé de style, mais de cette continuité, en tout cas de cette évolution. On écoute Austrasian Goat, Heaviside, dans le secret du son d'abat, c'est de la boulette. Thank you. Aussitôt mort dans Le secret du son d'abord, un extrait de l'album Nagi Kaniza. C'est le nom a priori d'une ville hongroise qu'ils auraient traversée pendant leur tournée, manifestement. Leurs nombreux périples à voilà. l'est. Et c'est le nom donc d'une micro-compilation de 5 titres, sans doute des morceaux épars, ça et là, sur des, je sais pas, des compiles, des splits. Réunis donc par le label Destructure Records au début de l'année 2012. Ça tombe bien finalement qu'on en parle parce qu'on... On parlait tout à l'heure de Burning Bright qui partagent leur batteur, c'est bien ça? C'est ça, avec Aussitôt Mort. Je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Et voilà, donc on reste un petit peu dans la famille en quelque sorte. Bah, c'est ça, enfin, je suis toujours impressionné par la ville de Caen où il existe un bassin de groupes excellents, que ce soit Aussitôt Mort, Amanda Woodward, donc ou Burning Bright qu'on a écouté tout à l'heure. Donc, et avant, il y a et eu avant, des, bien sûr, des groupes qui ont vraiment marqué les débuts de la scène Screamo en 94-95. Voilà. En tout cas, moi, au-delà du fait que c'était une heureuse coïncidence, parce que j'avais choisi de le programmer sans forcément faire attention, et puis on s'était pas calé là-dessus, mais voilà, heureuse coïncidence, mais j'avais surtout envie, moi, de souligner la qualité des compos à nouveau d'Aussitôt Mort. Parce que t'en penses, mon cher Grigoula. Ça a toujours été le cas, ça sera voilà, toujours le cas. Voilà, il y a des compos enflammés, la scrimo à vous fendre le cœur. Ouais, là, pour le haut de coup, on est vraiment sur cette deuxième partie, entre guillemets, de carrière d'Aussitôt Mort, avec quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus post-hardcore aérien, dans la lignée des travaux d'Isis, où là, pour le coup, c'était assez mougouaillesque. Il y a un côté hyper perso, quoi. Ouais. Moi, on reconnaît immédiatement leurs riffs, leurs ambiances, le... On serait très content de pouvoir aller faire Lorient. Oh, mais je pense qu'à mon avis, il y a pas. S'ils nous entendent. Après, c'est plus la disponibilité de tout le monde. Je pense que c'est plutôt ça, de leur côté. Mais vous en parlerez que. Juste avant, on écoutait donc Austrasian Goat et on se disait hors micro qu'aujourd'hui. Les ponts entre hardcore et folk sont devenus monnaie courante. Ce qui n'était pas le cas auparavant, de votre côté, vous avez un certain nombre d'exemples de vous nous disiez. Ce qu'on expliquait aussi hors micro, c'est qu'on retrouve vraiment ce lien de nos jours, dans le même que ce soit les concerts qu'on organise ou les concerts où on se rend, que généralement, beaucoup de groupes de hardcore ont un de leurs musiciens qui pratique, un ou deux, voire de leurs musiciens qui pratiquent de la folk. C'est devenu assez monnaie courante. Ouais, au-delà du fait qu'on se repose la voix, que c'est plus pépère assis sur un tabouret, enfin emballé. Ouais, c'est vrai qu'on peut quand emballer. Quand tu fais aussi. Du hardcore et que tu t'envoies tout le temps le steak, et là, quand on te regarde après, tu sors de scène, tu pues, tu es tout mouillé. Là, que t'es avec la guitare acoustique et tout ça, c'est quand même plus facile. Ça fait des pauses, ça permet aux gens d'aller boire des bières. Ouais. Non, mais quand c'est bien fait, ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'on retrouve. Comme on le disait aussi hors micro, c'est Mathieu qui avait eu l'occasion de faire un concert à Paris avec Allseed. C'est un Canadien donc, qui avait fait largement ses armes dans le hardcore et qui maintenant faisait plus donc, de la folk et qui profitait donc, de ses contacts qu'il avait développé exactement dans cette scène et pour pouvoir tourner lui à son tour. Donc il était en train avec sa guitare et... On a eu l'occasion de les voir à Paris. Ils faisaient ça vraiment très bien, en faisant même des reprises de Black Flag ou Minor Threat à sa sauce. C'était vraiment très intéressant. C'est vrai, comme tu disais, ça passe très bien après un concert, quoi. C'est tout de suite, ça pose. Voilà, c'est tout le monde épice et puis c'est. Moi, je trouvais ça super cool. C'est la première fois que je voyais ça, mais maintenant, c'est vrai que. Il y a un côté aussi justement où les extrêmes se rejoignent, c'est-à-dire quand t'as eu un énorme moment d'intensité, c'est bien d'avoir un énorme moment de calme derrière, musical malgré tout. Mmh. Ouais. Et puis voilà, on revient aussi à l'essence même de la scène hardcore qui reste une scène où on est dans quelque chose d'engagé, dans un propos, en tout cas dans défense de certaines choses, et la scène folk, et entre autres la scène folk nord-américaine, qui est très très ancrée et très engagée, voilà. Donc il y a des ponts qui se font naturellement finalement. On va vous quitter les amis de Dire Wolves. On vous remercie Ben et Matt puisque c'est vos nouveaux surnoms. Merci à vous, c'est nous. Merci pour nous avoir accompagnés durant cette émission. On vous souhaite bonne route. On ne manquera pas de vous suivre l'actualité, de suivre votre actualité, des concerts à Vannes ou ailleurs. On y croit. Et en ce qui nous concerne, mon cher Grigoula, on va rester dans des choses apaisées. des choses fragiles, ensorcelées, que dire, quand même, hein. Voilà, avec ce qui n'est pas réellement le nouvel album de Chelsea Wolfe, mais qu'en tout cas un très beau recueil. Voilà, un beau recueil de d'unrelease de songs. Alors si tous les fonds de tiroir sont comme ça chez Chelsea Wolfe, ça donne envie d'aller faire un casse, parce que c'est quand même de la super belle cam. Ça sort chez Sergeant House ces jours-ci, là, cet automne. Unknown Rooms, a collection of acoustic songs. Et on va s'écouter le morceau qui clôt ce recueil, qui s'appelle Sunstorm. Et moi, j'ai envie de verser ma petite larme chaque fois que je l'écoute. Alors, je vais pas m'en prier. Bonne soirée, Monsieur Melon. Bonne soirée, Ben. Bonne journée, Matt. Oui, à très bientôt dans Secret du son d'Abba. Chelsea Wolfe, bye.